Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous, nous sommes le 15 juillet 2019. Voici les grands titres de cette édition. Des immondices s'observent encore sur certaines décharges sauvages en mairie de Bujumbura que le ministre de la Santé a visité il y a un mois. Entre-temps, c'est le silence média de la part du chargé de la salubrité en mairie de Bujumbura. L'interdiction aux agriculteurs de Bubanza d'écouler leurs marchandises vers les marchés ne vient pas freiner le développement de cette population. C'est ce que dit le gouverneur de cette province qui explique que c'est pour protéger sa population contre une éventuelle disette. Et l'administrateur de Guihanga dans cette province de Bubanza signale que des cas de vol de produits vivriers, vous l'entendrez. 6 gardiens de vaches sont retenus au cachot de la police judiciaire de Lumonge depuis ce vendredi pour pratique de la transhumance interdite au Burundi. Leur libération sera conditionnée par le versement par leur patron d'une amende de 10 000 francs burundais par tête de bétail. Et en actualité sous-régionale, un premier cas d'Ebola a été confirmé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chauffeur du bus qui le transportait de Butembo, ville voisine vers Goma, ainsi que les 18 autres passagers ont été identifiés et leur vaccination commence dès ce lundi. Voilà pour les grands titres. Bonjour. La sécurité est bonne en commune Guihanga de la province de Bubanza, bien que des cas de vol de produits vivriers sont signalés dans cette commune. Ce sont là les propos de l'administrateur de la dite commune après qu'un commerçant de riz et deux autres personnes qualifiées de voleurs par la police aient été tués la semaine passée dans cette commune Guihanga. Léopold Ndayisaba déclare que de tels cas sont fréquents durant la saison sèche. Il appelle la population à plus de vigilance. Je vous propose de l'écouter. Est bonne dans notre commune, sauf qu'il y a des cas isolés liés au banditisme, où dans ces jours où nous sommes en train de récolter, surtout où il y a la campagne de récolte de riz, il y a des gens de mauvaise foi qui veulent récolter qui n'ont pas à semer. Actuellement, il y a des cas de banditisme qui sont signalés sur certaines collines, mais nous sommes en train de sensibiliser la population afin de faire la vigilance, afin de redoubler d'efforts, surtout de la sauvegarde de la récolte. Je dirais que la sécurité est bonne, mais ces cas de banditisme sont signalés surtout pendant l'été où on est en train de récolter surtout le riz. Nous lançons l'appel à notre population de pointer du doigt à toute personne soupçonnée pour que cette dernière soit interrogée, soit appréhendée, et également de renforcer la capillarité. Donc je dirais que la sécurité est bonne, il faut que la population soit tranquille, mais il faut redoubler de vigilance pour, je dirais, renforcer la sécurité pour que également les récoltes soient bien gérées. Dans notre commune, nous avons implanté sur toutes les collines des hangars de stockage. Il faut que les récoltes soient mis là pour être gardées en sécurité. Également, l'argent issu de la vente de la récolte, il faut que cet argent soit gardé au niveau des institutions de microfinance, au niveau des banques, parce qu'il y en a déjà qui n'ont pas encore renoncé à les mauvaises habitudes de garder l'argent chez eux au niveau de la maison, alors que les bandits vont profiter de cette occasion pour perpétrer de tels forfaits cherchant de l'argent qui est gardé à la maison. L'administrateur de la commune Guihanga, Léopold Ndayisaba. La mesure interdisant aux agriculteurs de Bubanza d'écouler leurs marchandises vers les marchés ne vient pas freiner le développement de cette population. Le gouverneur de Bubanza le dit après avoir mobilisé les administratifs à la base à surveiller de près la vente des récoltes issues de la dernière saison culturelle. Le gouverneur Buto Inobus Terence explique qu'il ne s'agit pas du protectionnisme mais de la gestion rationnelle de la récolte pour éviter une éventuelle disette. Suivez le gouverneur de Bubanza, joint au téléphone par Variste Dikobanyanga. Nous avons pris une mesure de faire une gestion rationnelle de la récolte. Nous inculquons à la population donc de vendre s'il a besoin de quelque chose, mais qu'ils se souviennent de conserver une certaine quantité qui va continuer à prendre durant la période d'été, la période pendant laquelle la plupart de la population ne cultive pas. Donc, c'est pas vraiment question de protectionnisme, c'est question de gestion rationnelle, c'est-à-dire ils vendent dont ils ont besoin, mais qu'ils puissent conserver, parce que nous avons remarqué avec amertume que au moment où ils récoltent, surtout pour le riz, ils y vendent directement comme c'était un problème. Mais sinon, ils viennent encore revendre ou acheter le riz à un prix exorbitant, alors qu'ils ont tout vendu à un prix dérisoire. Donc, c'est pour leur demander de faire une gestion rationnelle pour que la période d'été puisse être couverte sans aucun problème. Qu'est-ce que vous diriez à ceux-là qui pensent que cette gestion constitue une barrière à l'échange des marchandises avec d'autres provinces? Je ne crois pas que ce soit une barrière, parce que, dit-on, si vous visitez la province, vous n'allez trouver nulle part une barrière sur la route pour empêcher les gens qui vendent. Seulement, nous leur demandons avec insistance que chacun dans sa conscience puisse voir, puisse remarquer qu'il a conservé quelque chose pour subvenir à ces périodes d'été. Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment question de protectionnisme. Il n'y a pas question de s'enfermer sur nous-mêmes. D'ailleurs, si vous montez dans les hauteurs à Moussigati, dans les communes de Mubanza ou de Mugazi, ils conservent même la semence, pourquoi pas au niveau de la plaine. C'était le gouverneur de la province de Mubanza au téléphone avec Évariste Nziko-Ubanyanga. Il est possible de collecter avec rigueur les impôts et taxes à hauteur de 850 milliards de francs burundais, tel que prévu par le budget général de l'État de cette année. Une précision d'un professeur d'université et économiste, Isaac Bizimana, ancien gouverneur de la Banque centrale, estime que certains métiers ne sont pas imposés, d'où le secteur informel devrait être revisité. Selon toujours cet économiste, le budget 2019-2020 est pessimiste, mais réalisable. C'est un budget pessimiste, mais réalisable. C'est un budget, si l'assiette fiscale est élargie et qu'on touche tous les contribuables, c'est un budget qui peut être réalisable. Mais par contre, si on ne fait pas une rigueur dans la collecte des fonds, on risque de se planter un peu. Avec des produits fiscaux de plus de 836 milliards de francs burundais, est-ce que les contribuables ne seraient pas amenés, disons, à une fraude fiscale? Chaque fois qu'on doit payer l'impôt, on ne paie pas de bon gré. C'est de par la loi qu'on doit payer l'impôt. Mais, comme on le dit, les grands taux tuent les totaux. Si on augmente trop l'impôt, naturellement qu'on est en train de cacher, de faire des évasions fiscales, mais si on touche tous les contribuables, c'est possible qu'on réalise son taux. Et l'exemple que je donne, ce sont les gens de la construction. Si on regarde les chantiers, si on analyse les chantiers qui sont en construction, la plupart des gens qui travaillent en construction gagnent certainement plus de 150 000, mais très peu sont taxés. Si on regarde les métiers informels, les garages, etc., il y en a également qui touchent plus de 150 000 par mois, mais qui ne payent pas d'impôts. Et même dans les entreprises agricoles, il y en a certainement qui réalisent plus de 1 600 000 par mois, mais qui ne paye pas d'impôts. Donc, si on trouve une bonne façon de répartir l'impôt, si on trouve une bonne façon de collecter l'impôt, oui, c'est possible. C'est possible de le réaliser. Il faut y mettre de la rigueur en termes de collecte d'impôts. Mais il faut une rigueur systématique. Isaac Bizimana, il est économiste et professeur d'université. Puisqu'on parle économie, parlons aussi commerce. Une centaine de femmes faisant le petit commerce transfrontalier de la zone Gatumba en province Bujumbura bénéficieront du projet Mpaka Chambaletu, initié par l'association des femmes rapatriées du Burundi sous l'appui financier de International Alert. Les cadres de cette association font savoir que ce projet va améliorer les conditions de vie de ces femmes et renforcer la paix dans la région des Grands Lacs à travers justement ce petit commerce transfrontalier. Le lancement officiel de ce projet, qui va couvrir une période de 4 ans, a eu lieu ce lundi 15 juillet 2019 à Gatumba. Le gouverneur de Rumonge accorde seulement 20 minutes aux propriétaires de chantiers dans la ville de Rumonge pour pouvoir dégager la voirie après tout dépôt de matériaux de construction. Juvenal Bigirimana dit que des matériaux de construction restent entassés pendant plusieurs mois en pleine voie publique, ce qui cause même des accidents. Jean-Pierre Misako. Juvenal Bigirimana, gouverneur d'Ormonge, juge inadmissible que des propriétaires de chantiers déposent sur la voirie publique, et cela pendant plusieurs mois, du moellon, du sable, du gravier et bien d'autres matériaux de construction, comme si la voie était leur propriété privée, un phénomène observable dans les quartiers de la ville d'Ormonge, surtout dans le quartier Swahili, ou au croisement de la 8e avenue et l'avenue baptisée de Soko Corona, un canal d'évacuation des eaux de pluie a été même détruit. Le gouverneur d'Ormonge reconnaît que des dalettes menant sur des chantiers ne sont pas assez résistants pour permettre le passage des camions. Cependant, les propriétaires des chantiers doivent se doter au préalable d'une main-d'œuvre suffisante qui dégagerait dans une vingtaine de minutes la voirie pour une circulation normale. Le gouverneur d'Ormonge promet de visiter le code routier pour préserver ses infrastructures publiques. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et six gardiens de vaches sont retenus au cachot de la police judiciaire de Rumonge depuis ce vendredi. Leur arrestation fait suite à la découverte en zone Kilwena des vaches venues de la commune Vianda voisine de Rumonge dans le cadre de la transhumance. L'administration communale de Rumonge dit que cette pratique a été abolie au Burundi et que ces gardiens de vaches seront libérés après versement par leur patron d'une amende de 10 000 francs burundais par tête de bétail au compte de l'office burundais des recettes. Des immondices s'observent encore sur certaines décharges sauvages en mairie de Bujumbura que le ministre de la Santé a visité il y a un mois, mais d'autres ont été assainis. À l'endroit qui sépare les zones urbaines de Bouiza et Nyakabiga, par exemple, des déchets y sont jetés sans souci. Cependant, au petit marché de Mugoboka 1, en zone urbaine de Gihosha, les immondices qui étaient sur les berges de la rivière Nahangwa ont été enlevés et l'espace a été clôturé. Eli Nibel Nibigira a fait le constat que vous pouvez suivre. Vous voudrez bien nous excuser pour cet élément que nous ne parvenons pas à avoir. Dans l'entretemps, c'est toujours le silence média de la part de David Naizeye, chargé de la salubrité en mairie de Bujumbura, malgré les rendez-vous donnés à nos reporters depuis samedi. Même ce matin, grande a été la déception du reporter qui avait bien voulu répondre à son entretien dans son bureau. Contacté par la rédaction, le maire de la ville de Bujumbura a promis de s'exprimer sur ce sujet de la salubrité après une descente prévue demain dans différentes zones. Et pour boucler ce journal, un premier cas d'Ebola a été confirmé à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite dimanche 14 juillet par les autorités sanitaires du pays. Le malade est actuellement pris en charge. Il venait de Butembo, la deuxième ville de la province. Pour le moment, il est dans le centre de traitement Ebola, un centre d'isolement. C'est ce qu'explique le directeur général de l'Institut national de la recherche biomédicale à Kinshasa, le docteur Jean-Jacques Muyembe. Dans un message du ministère de la Santé en RDC, l'on précise que le chauffeur du bus qui le transportait vers Goma ainsi que les 18 autres passagers ont été identifiés et leur vaccination commencera dès ce lundi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Dorine Ouimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ouimana. Passez un bon après-midi.